Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoire Grand Est, labellisée Centre Europe Direct Territoire Lorrain par la Commission Européenne. Aujourd'hui, on va parler de l'accord Union Européenne-Mercosur, mais aussi de l'élargissement de l'Union Européenne. L'accord Union Européenne-Mercosur, quelle garantie pour nos agriculteurs? Alors, on va justement aborder un sujet brûlant, l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, donc les pays Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, et les garanties que la Commission Européenne propose pour protéger nos agriculteurs contre la concurrence sud-américaine. Alors d'abord, rappelez-nous brièvement ce que prévoit cet accord Union Européenne-Mercosur et pourquoi les agriculteurs européens sont inquiets. Alors, l'accord UE-Mercosur vise à supprimer progressivement la plupart des droits de douane entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur. Cela représente un marché très vaste, tant que pour les exportations européennes vers l'Amérique du Sud que pour les importations de produits agricoles, viande, sucre, miel, soja, etc. Les agriculteurs européens sont inquiets pour plusieurs raisons. La concurrence des produits importés, souvent moins chers, des normes sanitaires, environnementales ou sociales parfois différentes, le risque d'un afflux aussi qui pourrait peser sur les prix européens et donc sur les revenus agricoles. Quelles sont précisément les garanties que la Commission propose pour rassurer les agriculteurs? Alors, voici les principales mesures. D'abord, des clauses de sauvegarde pour les produits sensibles, viande bovine, volaille, sucre, éthanol, etc. Ce sont des secteurs considérés comme particulièrement vulnérables. Il y a aussi une surveillance renforcée tous les 6 mois, des rapports d'évaluation de l'impact des importations en provenance du Mercosur sur les marchés européens pour certains produits sensibles seront réalisés. Il y aura aussi des seuils déclencheurs. Si les importations sont de 10% inférieures en prix à un produit similaire européen et que leur volume augmente de plus de 10%, cela peut déclencher une enquête. Et aussi, il y aura l'activation rapide de mesures provisoires en cas de risque grave. Par exemple, remonter temporairement les droits de douane et les délais sont assez courts, 21 jours pour les cas urgents et des enquêtes à boucler sous 4 mois. Alors pourquoi ces garanties sont-elles jugées importantes et en quoi sont-elles innovantes? Elles sont importantes parce que l'accord sans garde-fou risquait d'ébranler des filières agricoles fragiles, en particulier dans les zones rurales où la concurrence étrangère peut peser lourd. Ces garanties sont innovantes car elles introduisent des mécanismes juridiquement contraignants, pas seulement des engagements politiques. Les seuils déclencheurs sont clairs et objectivement mesurables, ce qui réduit l'arbitraire. Et la rapidité d'activation des mesures provisoires en cas d'urgence est une nouveauté. On ne laisse plus les agriculteurs attendre des mois que les effets négatifs se matérialisent. Et malgré ces garanties, les agriculteurs ou certains États restent méfiants. Quelles sont les limites de ce dispositif? Effectivement, plusieurs inquiétudes demeurent. Les protections ne concernent que les produits identifiés comme sensibles. Beaucoup d'autres filières agricoles risquent quand même d'être affectées. Même pour les filières aussi sensibles, bien que les seuils soient définis, les importations non encore massives peuvent déjà peser sur le marché sans déclencher les mécanismes. Il y a aussi les différences de normes environnementales, sanitaires, bien-être animal qui restent un sujet assez litigieux. Et si elles ne peuvent pas être contrôlées justement, efficacement, et justement cela crée une concurrence inégale. Et enfin, même avec un soutien juridique, le coût administratif pour faire valoir les droits de sauvegarde peut être lourd pour les agriculteurs ou les États membres modestes. Merci Adam sur ces éclaircissements sur l'accord Union Européenne-Mercosur. On continue avec une deuxième actualité, l'élargissement de l'Union Européenne qui séduit une majorité d'Européens. Et oui, selon un récent sondage Euronews Ipsos, 56% des citoyens européens se disent favorables à accueillir de nouveaux membres. 56% c'est une majorité, mais ce soutien est-il homogène dans toute l'Europe? Eh bien, pas vraiment. On observe de fortes disparités. Les pays d'Europe centrale et orientale, comme la Pologne ou la Lituanie, sont les plus favorables, sans doute parce qu'ils se sentent solidaires de l'Ukraine et d'autres candidats à la région. En revanche, en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, les opinions sont plus divisées, souvent liées à des inquiétudes économiques ou migratoires. Alors justement, la guerre en Ukraine a-t-elle influencé cette perception? Oui, énormément. L'invasion russe a ravivé l'idée d'une Europe solidaire, unie face aux menaces extérieures. L'adhésion potentielle de l'Ukraine est perçue comme un geste politique fort, et beaucoup y voient une manière de stabiliser la région et de réaffirmer les valeurs européennes. européenne. Mais cet élargissement, ce n'est pas pour tout de suite. Et non, les étapes sont encore longues. L'Union compte aujourd'hui 27 membres et une dizaine de pays frappent à la porte. L'Ukraine, donc, la Moldavie, la Géorgie, les Balkans occidentaux, donc Albanie, Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, etc. Et le processus d'adhésion suppose des réformes profondes. Donc déjà, par exemple, l'Ukraine déjà est trempée, c'est un des critères de base pour entrer dans l'Union européenne. Il y a aussi d'autres réformes, donc comme la lutte contre la corruption, l'état de droit, l'économie de marché viable. Bref, c'est un marathon et pas un sprint. Alors certains craignent que l'élargissement dilue le projet européen. Est-ce une inquiétude fondée ? Oui, elle est légitime. Plus on élargit, plus la gouvernance devient complexe. Déjà, les décisions à 27 nécessitent des compromis difficiles. Mais l'Union réfléchit à des réformes internes, par exemple revoir les règles de vote à l'unanimité, parce que pour rester efficace, même avec de nouveaux membres, ça nécessite des réformes, juste. Et que pensent les Européens de la candidature de la Turquie, par exemple ? C'est là que le soutien chute nettement. Déjà, la Turquie, il faut savoir, a demandé à rentrer dans l'Union européenne depuis de nombreuses années, ça se compte en dizaines d'années, et l'opinion reste très réservée, notamment à cause de tensions politiques et de recul démocratique en Turquie. Et les sondages montrent que les citoyens font une distinction claire entre les pays proches de l'Union européenne sur le plan politique, comme l'Ukraine, et ceux qui s'en sont éloignés. Alors, quels critères doit respecter un pays pour rentrer dans l'Union européenne ? Alors déjà, critère de base, être européen, sur le continent européen. Mais il faut être aussi démocratique, garantir l'état de droit, les droits de l'homme et le respect des minorités, avoir une économie de marché viable, être capable de faire face à la concurrence dans l'Union européenne, adopter le droit européen, c'est-à-dire appliquer l'acquis communautaire et adapter ses institutions, être accepté par l'Union européenne, parce que justement l'Union européenne doit être prête à accueillir de nouveaux membres, car il faut un accord à l'unanimité des pays membres pour qu'un pays rentre dans l'Union européenne. Par exemple, pour la Serbie, certains éléments bloquent, comme des obstacles politiques, les rivalités régionales avec le Kosovo par exemple, et la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie qui continue de compliquer le chemin. Alors pour conclure, peut-on dire que l'élargissement est de nouveau une priorité politique en Europe ? Oui, clairement, après des années de stagnation, pour rappel, le dernier pays à être rentré dans l'Union européenne, c'est la Croatie en 2013, l'élargissement revient au cœur du débat, mais il faudra convaincre les citoyens sceptiques et surtout adapter les institutions pour que l'Union élargie reste cohérente et efficace. Merci beaucoup Adam, c'était votre chronique Europe On Air sur Radio Fadjet, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.